إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 30 dans l'explication de la aqida des deux Razi, Abu Hatim Al-Razi et Abu Zur'a Al-Razi, qui sont les deux imams qu'on appelle Al-Raziyan. Donc on lit l'explication de cette aqida avec les clarifications et les commentaires de Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali Hafizahullah. Et on est arrivé au point numéro 31 dans l'explication de cette aqida. C'est le cours 30, mais le point, c'est le point 31. Qala Abu Muhammad, wa sami'tu abi yaqul. Abu Muhammad, c'est le fils de Abu Hatim. Hein? C'est celui qu'on appelle Ibn Abi Hatim, le fils de Abu Hatim al-Razi. Sa kunya, c'est Abu Muhammad. Il dit, j'ai entendu mon père dire, سمعت أبي يقول وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون إبطال الآثار وقال وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصية نقصانية وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. نعم. Donc ça c'est un point parmi les points qui sont très importants. Abu Muhammad, le fils de Abu Hatim, il dit, j'ai entendu mon père dire, le signe par lequel on distingue ou on reconnaît les gens de Bid'ah, c'est qu'ils insultent ou qu'ils critiquent ou ils attaquent les gens de la narration, les gens du hadith, hein, les salafis, les gens de la sunna. Donc, une des caractéristiques, si tu veux reconnaître un mubtadi', hein, et les gens de bid'a de façon générale, c'est qu'ils critiquent, ils attaquent, ils insultent les ulama de la sunna et les salafiyin, les ulama salafiyin de cette umma. À toutes les époques, hein, on les distingue par cette distinction. C'est une de leurs caractéristiques. Naam. Donc, ça c'est qu'est-ce que Abu Hatim a dit. Et il dit, et le signe de l'hérésie ou des hérétiques, Zanadiqa, munafiqin, c'est qu'ils appellent les gens de Al-Athar, les gens du Hadith, les gens de la Sunna, les Salafiyin, ils les appellent Hashwiyya. Et le but pour lequel ils appellent les gens de la Sunna Hashwiyya, hein, ils les appellent Hashwiyya ou Hashawiyya, pourquoi? Pour détruire et annuler les narrations et les Hadiths. Hein, ils ne veulent pas prendre les preuves des Hadiths. On va expliquer tout ça en plus en détail par la suite. Après, les deux imams, Abu Hatim et Abu Zura, ont dit le signe par lequel on reconnaît les Jahmiyyah, c'est qu'ils appellent les gens de la Sunna des Mushabbiha. Le signe par lequel on reconnaît les Qadariyya, c'est qu'ils appellent les gens de la Sunna Mujbira. Hein? Et le signe par lequel on reconnaît les Murji'a, c'est qu'ils appellent les gens de la Sunna Mukhalifa et Naqsaniyya. Et le signe par lequel on reconnaît les Rafida, c'est qu'ils appellent les gens de la Sunna Nasiba. Et aucun, il y a seulement un seul nom qui s'applique et qui peut être rattaché aux gens de la Sunna, hein, et c'est le nom de la Sunna. Et il est impossible, hein, qu'on les réunisse sur autre que, c'est impossible qu'on les réunisse sur aucun des noms qu'on a mentionnés, c'est-à-dire aucun des noms que les mubtadi'a, par lesquels les mubtadi'a les nomment ou les appellent. Et vous allez voir que dans qu'est-ce qu'on vient de lire maintenant, ça clarifie beaucoup de shubuhat et beaucoup de choses qui ont rapport avec les appellations à notre époque et comment des gens parfois jouent avec les appellations, et comment parfois ils traitent les gens de la Sunna de toutes sortes de noms, et comment on peut par cela reconnaître qui est sur la Sunna et qui ne l'est pas. Donc quand les deux imams disent que le signe des Jahmiyyah, c'est qu'ils appellent les gens de la Sunna des Mushabbiha, Mushabbiha ça veut dire quoi? Pour eux, Mushabbiha ça veut dire quelqu'un qui fait ressembler Allah à sa création, ou qui fait des ressemblances entre le créateur et la créature. Qui appelle les gens de la Sunna de cette façon? Ce sont les Jahmiyyah. Et à notre époque, on les reconnaît, ces gens-là, aujourd'hui. Les Asha'ira, les Ahbash, quand ils parlent des Salafis, ils disent c'est des Mushabbiha. Ils disent en français c'est des anthropomorphistes. Ils accusent les Salafis d'être des anthropomorphistes. Donc vous voyez, ces deux imams, l'imam Abu Hatim al-Razi et l'imam Abu Zur'a al-Razi, subhanallah, ces deux imams, ils disent, et Abu Hatim il est né en 277 et Abu Zur'a est né en 264. Regardez bien, subhanallah, 277 Abu Hatim, 264 Abu Zur'a. En quelle année Abu al-Hassan al-Ash'ari est né? En quelle année? Celui à qui on attribue la aqida Ash'ariya, il est né en quelle année? 260. Il est né en 260. L'imam Abu Hatim al-Razi est né en 277. Ça veut dire que l'année de la naissance de Abu Hatim, l'année de la naissance de l'imam Abu Hatim al-Razi, c'est 277. Et là, l'imam Abu Zur'a est né en 264. Et ils sont deux parmi les grands imams d'Ahl Sunnah. Ils sont nés presque à la même époque que Abu al-Hassan al-Ash'ari. Et pourtant, ils réfutent la aqida des Jahmiyyah et ceux qui nient les attributs d'Allah. Et ils disent, si vous voyez quelqu'un qui appelle les gens de la Sunna Mushabbiha, sachez que ce sont des Jahmiyyah. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Si vous voyez des gens qui appellent les gens de la Sunna, les gens qui affirment les attributs d'Allah, qui disent à propos d'Allah, Allah, il est au-dessus de son trône, Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains. Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux yeux. Allah subhanahu wa ta'ala, il a un visage. Allah subhanahu wa ta'ala, il est tel qu'il s'est décrit lui-même. Et que rien ne lui ressemble. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Et qu'ils affirment les attributs d'Allah. Et ils ne cherchent pas à connaître le commun. Et ils ne demandent pas au sujet du commun des attributs. Hein? Et ils ne font pas de ressemblance entre le créateur et la créature. Ils ne font pas de tamthil. Ils ne font pas de tashbih. Et ils ne font pas de ta'til. Ils ne nient pas les attributs d'Allah. Ça, c'est la voix de Ahl Sunnah al-Jama'ah. Et tu vois que ceux qui appellent ces gens qui suivent cette voie-là, ceux qui les appellent des mushabbiha, ce sont des jahmiyyah. Hein? Et aujourd'hui, qui nous appelle comme ça? Ce sont les Asha'ira, les Maturidiya, et ceux qui suivent cette voie-là, les Ahbash. Donc ils sont tous sur la voie des Jahmiyyah. Hein? Ils sont tous sur la voie des Jahmiyyah. Après, un autre exemple. Le signe des Qadariya. Al-Qadariya, c'est quoi? C'est qui? On l'a vu déjà dans les cours précédents. Al-Qadariya, c'est ceux qui nient la prédestination. Donc, un des signes pour reconnaître les Qadariya, c'est que quand ils parlent des gens de la Sunna, ils les accusent d'être des Mujbira. C'est-à-dire d'être parmi ceux qui croient que, yani, les êtres humains sont forcés de faire ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'on affirme la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et on affirme que l'être humain, hein, il est sous la volonté d'Allah et qu'il y a une prédestination. Donc, quand on affirme la prédestination et la volonté et la connaissance yani d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est absolue au-dessus de la volonté et de la création, de la volonté et de la capacité de l'homme, eh bien, eux, ils considèrent que ça, c'est yani la croyance des Jabriya, alors qu'en réalité, les Jabriya, c'est autre chose, c'est l'autre extrême. Et les gens de la Sunna réfutent les deux. Ils réfutent les Qadariya, ceux qui nient la prédestination, et ils réfutent les Jabriya, ceux qui exagèrent dans l'affirmation de la prédestination. Donc, c'est pour dire que, yani, on est entre ces deux extrêmes-là. La même chose que, comme qu'est-ce qu'on a dit auparavant par rapport aux Mushabbiha. Hein? Les gens de la Sunna sont, hein, ne sont pas des Mushabbiha. Les gens de Ahl Sunna affirment les attributs d'Allah, mais ils sont entre les deux extrêmes. Entre l'extrême des Jahmiya qui nient les attributs d'Allah et l'extrême des Mushabbiha qui affirment des attributs en faisant ressembler ces attributs-là aux attributs des créatures. Hein? Donc ça, c'est deux extrêmes. Et les gens de la Sunna sont entre ces deux extrêmes-là. Ni avec les uns, ni avec les autres. La même chose pour la question du Qadar. On n'est pas avec ceux qui nient le Qadar et on n'est pas avec ceux qui exagèrent dans l'affirmation du Qadar. Hein? Et on réfute les deux extrêmes. Et on affirme qu'est-ce qui est dans les textes. Hein? Et on revient à qu'est-ce qui est écrit dans les textes pour comprendre la question du Qadar. Et ensuite, la question des Murji'a. Il dit, le signe par lequel on reconnaît les Murji'a, c'est qu'ils appellent les gens de la Sunna Mukhalifa, ou bien Naqsaniya. Ils appellent les gens de la Sunna Mukhalifa ou Naqsaniya. Pourquoi ils les appellent comme ça? Parce que on dit que la foi, elle augmente et elle diminue. Hein? Donc pour eux, ça c'est, hein, quelque chose qui est incorrect pour eux. Ils considèrent que c'est faux, puisque pour eux, toute personne qui dit qu'il est croyant, ça y est, qui croit en Allah, ça y est, il est croyant, parce que la base pour eux, la foi, c'est qu'est-ce qui est dans le cœur seulement. Les actions ne font pas partie de la foi pour eux. Donc pour eux, tout le monde dans la foi sont égaux, et la foi ne diminue pas et elle n'augmente pas, elle est stable, elle est toujours fixe, c'est toujours une chose, unique. Hein? Donc, pour eux, le fait de dire que les actions rentrent dans la foi et que la foi augmente et diminue, eh bien, pour eux, ça, c'est une erreur. Pourtant, c'est ce qui est prouvé par les textes. Et l'autre extrême, c'est ceux qui sont à l'autre opposé des Murji'a, c'est qui? C'est les Khawarij. Et les Khawarij, eh bien, ils appellent les gens de la Sunna, le contraire, ils appellent les gens de la Sunna des Murji'a. Hein? Pourquoi? Parce que on dit que si quelqu'un commet un grand péché, il ne sort pas de la foi. Hein? Du moment qu'il ne le rend pas halal. Hein? Il a la base de la foi. Donc il est mort. Mais même s'il a des fautes, et sa, la foi, elle augmente et elle diminue. Donc si tu perds une partie de ta foi, tu ne perds pas toute la foi au complet. Donc on est entre les deux extrêmes dans la question de la foi et dans la question de la menace et de la promesse. Donc on n'est pas dans l'extrême des Murji'a et on n'est pas dans l'extrême des Khawarij, mais on est dans le juste milieu. Mais pour les extrémistes, hein, nous on est dans l'extrême. Allah musta'an. Donc c'est pour faire comprendre en fait ces points-là. Pour les Rafida, le cheikh, les deux imams, ils disent: si tu veux reconnaître les Rafida, c'est ceux qui appellent les gens de la Sunna des Nasiba. Nasiba, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceux qui, hein, manquent de respect et qui détestent la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses descendants. Et nous, on leur dit non, c'est pas vrai. On n'est pas des Nasiba, bien au contraire. Les gens qui font partie des gens de la Sunna, ils aiment la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils les respectent, mais ils ne vont pas tomber dans l'extrémisme et l'exagération de les élever à des niveaux, hein, de divinité, ou de les adorer en dehors d'Allah, ou d'exagérer, hein, comme le font par exemple les Rafida, qui les adorent en dehors d'Allah et qui leur donnent des attributs divins, ou qui croient que les imams ont la connaissance du Ghaib, ou qu'ils contrôlent les atomes de l'univers, ou des choses de ce genre. Donc ça, c'est du rouleau, hein? C'est de l'exagération et de l'extrémisme. Et il n'y a pas de doute que celui qui a cette caractéristique-là, il tombe dans le shirk et dans l'égarement, hein? Et il ressemble aux chrétiens qui ont exagéré avec le prophète Isa alayhi salam. Et il y a l'autre extrême qui sont les Khawarij, hein, les Khawarij, et c'est eux qui détestent Ali radiallahu anhu, et ils ont même tué, hein, Ali radiallahu anhu. Donc, et ils détestent d'autres également parmi les Sahaba. Tandis que les Rafida, eux, ils font le takfir de tous les Sahaba, hein, excepté quelques-uns. Ils font le takfir de tous les Sahaba, excepté 4 ou 5. Tous les autres, ils les déclarent kuffar. Tout ça, soi-disant, parce qu'ils aiment la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les Khawarij, eh bien, eux aussi, ils font le takfir des Sahaba, hein, et en particulier, ils font les Rafida, ils font le takfir des Khulafa al-Rashidin, en particulier Abu Bakr, Omar et Uthman radiyallahu anhum, et les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Aisha radiyallahu anha, et Hafsa, et d'autres également parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que les Khawarij, eux, bien, ils font le takfir des sahaba, et ils ont, en particulier, ils ont tué Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, et ils ont tué Ali radiyallahu anhu, ils l'ont combattu. Et Ali radiallahu anhu les a combattus aussi avec les Sahaba. Donc tout ça, c'est pour montrer les positions d'exagération et d'égarement et d'extrémisme au sujet des Sahaba. Et comment Ahlus Sunnah al-Jama'a est dans la position de justice et d'égalité, hein, et plutôt de justice et de modération et d'équilibre au sujet de la position qu'on a envers les Sahaba et envers la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, on les adore pas, on les élève pas à des niveaux de divinité, on n'exagère pas à leur sujet, mais en même temps, on connaît leur statut et on les respecte et on les aime. De toute façon, tout ça, on va expliquer maintenant en lisant les paroles de Cheikh Rabi' Hafizahullah à ce sujet-là. Tout ça, c'était juste comme pour simplifier et résumer la question et faire comprendre les termes qui sont mentionnés. Donc le cheikh, il explique, il dit: أئمة الإسلام يعرفون كل أصناف المخالفين لأهل السنة وشعاراتهم وعلاماتهم فهم تقسموا الطعن في أهل السنة كما تقسم الكفار الطعن في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأهل السنة إن شاء الله هم ورثة الأنبياء وعلى رأسهم علماؤهم يرثونهم في عقائدهم وفي مناهجهم وفي الصبر على ما يلحقهم من أذى كما صبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. Donc le cheikh il dit, les imams de l'islam, ils connaissent toutes les différentes catégories de ceux qui ont contredit les gens de la sunna, et ils connaissent leur signes particuliers par lesquels ils se distinguent des gens de la sunna. Ils connaissent leur slogan et les paroles qu'ils ramènent et leurs signes par lesquels ils se distinguent. Et ils savent comment les gens de Bid'a se sont divisés entre eux dans la façon comment ils attaquent les gens de la sunna. En réalité, tous ceux qu'on a mentionnés, que ce soit les Jahmiya, ou bien les Qadariya, les Murji'a, les Khawarij, les Rafida, tous ces groupes-là, ils sont tous ensemble contre les gens de la sunna. Mais ils ont tous attaqué les gens de la sunna sur un point différent. Sur des points différents. Mais quand c'est la question de attaquer les gens de la sunna, ils sont tous d'accord. D'accord? Donc c'est pour dire que ils ont différentes façons de critiquer et d'attaquer les gens de la sunna, mais ils sont tous d'accord sur le fait d'attaquer la sunna et les gens de la sunna. Donc ils se sont divisés dans les attaques et les insultes contre les gens de la sunna, de la même manière que les kuffars se sont divisés dans la façon comment ils attaquent les prophètes d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et le cheikh il dit que les gens de la sunna, inshallah, sont les héritiers des prophètes. Et à la tête de ceux-là, à la tête des gens de la sunna, ce sont les ulama, parce que c'est eux à la base qui sont les héritiers des prophètes, et ils ont hérité des prophètes dans leur croyance, dans leur méthodologie et dans leur patience et dans leur endurance par rapport à ce qu'ils subissent et ce qui les atteint comme nuisance ou comme tort de la part des ennemis, de la même manière que les prophètes ont fait preuve d'endurance et de patience. Le cheikh il dit ensuite wa alamatu ahli al-bid'a al-waqi'atu fi ahli al-athar. Donc le cheikh il dit ahli al-athar hum ahli al-sunnah wa yusammun ahli al-athar wa ahli al-hadith wa yusammun ahli al-sunnah wal murad bi al-sunnah al-manhaj ya'ni aqamu dinahum ala kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. فلهم أعداء كثر وأصناف عديدة كثيرة وليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. وفي أهل البدع والأهواء زنادقة الباطنية الإسماعيلية وغيرهم، وهم يندسون في صفوف الروافض وفي صفوف الصوفية الغلاة. Donc le cheikh il dit les signes des gens de bid'a, c'est pour les reconnaître, c'est que tu les vois comment ils attaquent et ils critiquent et ils parlent contre les gens du hadith, les gens de la sunna. Donc les gens de al-athar, ça veut dire, comme on l'a expliqué déjà, les traces, et on veut dire par al-athar les narrations, les choses qui ont été transmises, qui ont été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba. Donc on appelle les gens de al-athar, c'est-à-dire les gens de la sunna, les gens qui ont rapporté les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses actions, ses paroles et les paroles et les actions des sahaba également, de même que les approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on veut dire par la sunna, hein, également Ahlul Sunna et Ahlul Hadith, on veut dire par la sunna la méthodologie de la sunna, hein, c'est pas juste la sunna dans le sens comme certains qui le comprennent incorrectement, c'est-à-dire qu'est-ce qui est recommandé dans l'islam, qu'est-ce qui est mandoub, hein. Les gens ils pensent que qu'est-ce qu'on parle de sunna, ils pensent que qu'est-ce qui n'est pas obligatoire dans l'islam, c'est-à-dire qu'est-ce qui est sunna, c'est juste recommandé de le faire, donc c'est le contraire de qu'est-ce qui est, ou bien qu'est-ce qui, pas le contraire de qu'est-ce qui est obligatoire, mais plutôt ils pensent que c'est qu'est-ce qui est seulement recommandé. Et ça c'est incorrect. C'est une définition parmi les définitions des fuqaha au sujet de qu'est-ce que c'est la sunna, mais quand on parle du terme sunna de façon plus large et plus générale, comme dans les livres de Aqidah des salafs, on veut dire la méthodologie, hein, de la sunna et la compréhension de l'islam de façon générale. C'est la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et donc, ça comprend la Aqidah, ça comprend le manhaj, ça comprend la méthodologie et ainsi de suite. Donc, c'est ceux qui ont établi leur religion sur le livre d'Allah et sur la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont de nombreux ennemis. Et ils ont des ennemis de différentes catégories également. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mentionné qu'il a dit dans un hadith qu'il viendra à ma umma la même chose qui est venue aux fils d'Israël. Et ça, c'est quelque chose qui va leur venir pas à pas. Hein, ils vont les suivre pas à pas. Donc, qu'est-ce que les fils d'Israël ont fait? Jusqu'à ce que si parmi eux, il y en a qui ont fait le zina avec leur mère devant tout le monde, hein, en public, eh bien, dans ma umma, hein, il y en a qui vont faire la même chose. A'ouzou billah. Et il dit ensuite que Bani Israël, les fils d'Israël se sont divisés en 72 sectes et que sa umma, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ma umma va se diviser en 73 sectes. Ils seront tous en enfer excepté une secte. Il y en a seulement une qui sera sauvée. Ils ont dit, ô messager d'Allah, c'est laquelle? Et il a dit, celle qui suit ce que je suis moi-même aujourd'hui. Hein, celle qui suit ce que je suis et mes compagnons. Et le cheikh il dit que, et ça c'est clair, et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit que parmi les gens de bid'a et les gens de la passion, il y a des hypocrites, il y a des zanadiqa, des hérétiques, comme par exemple les ismaélites ésotériques, la secte des ismaélites qui fait partie des bataniyas, et d'autres également. Et ces gens-là, ils s'infiltrent dans les rangs des Shia Rafida, et ils s'infiltrent également dans les rangs des extrémistes parmi les Soufiyas. Hein? Et c'est ça le danger de ces sectes d'égarement. C'est pour ça que tu vois que quand les hérétiques, les égarés, les gens d'hypocrisie, quand ils ont voulu rentrer dans l'islam pour essayer de détruire l'islam de l'intérieur, ils ont cherché par quelle fenêtre ils vont rentrer, par quelle porte ils vont rentrer. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé qu'ils ne pouvaient pas rentrer par la porte des gens de la sunna, parce que cette porte-là est bien fermée, bien protégée par des ulama, hein, et par des principes et des règles strictes et claires. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que la seule façon comment ou par où ils pouvaient rentrer, c'est par la voie des gens de bid'a. Alors, ils sont rentrés par les rafida, et ils sont rentrés par la voie des soufis, al-Ghulat, et ils ont trouvé que dans ces voies-là, ils avaient la voie libre, le chemin libre, pour commencer à déformer la vérité et changer les choses et jouer avec la religion. Et c'est pour ça qu'ils rentrent dans ces voies-là. Et c'est pour ça que tu trouves que la plupart des gens d'égarement et d'hérésie sont dans ces groupes-là. Allah al-Musta'an. Après, le cheikh, il dit وَعَلَامَةُ الزَّنَادِقَةِ تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون بذلك ذم أهل السنة بأنهم حشو يعني ليسوا من الكبراء والعظماء بل مثل الحشيش في وسط الزرع. يقولون عنهم يعني حشوية، وهذا حشو تنقصا لأهل الحديث. فإذا سمعت إنسانا يقول عن أهل الحديث حشو أو حشوية، يعني فاعلم أنه زنديق، لأن هذا غاية الاحتقار والاستعلاء على أهل السنة، وهم حملة دين الله عز وجل والمنافحون عنه. دونك لو شيخ يقول pourquoi il rentre par ces voies-là ? Parce que j'ai dit, ceux qui veulent rentrer dans l'islam pour essayer de détruire l'islam de l'intérieur et pour faire du désordre parmi les musulmans, ils cherchent une voie pour rentrer. Et ils ont vu que la voie des gens de la sunna, elle est impénétrable. Parce que la sunna, elle est solide. Et les ulama d'Ahl sunna, ils réfutent toute personne qui dévie. Les ulama salafiyin, toute personne qui vient avec des égarements, tout de suite ils le réfutent, même si c'est quelqu'un qui se prétend salafi, même si c'est quelqu'un qui se prétend d'être sur la sunna, s'il dévie, tout de suite les ulama ils le réfutent et ils lui disent, qu'est-ce que tu dis, c'est de l'égarement ou c'est une erreur, mais ils ont vu que la voie des rafidah, les soufiyas, c'est une voie qui leur permet de faire qu'est-ce qu'ils veulent. Alors ils rentrent dans ces voies-là et ils commencent à faire du désordre. Et c'est pour ça que, est-ce que c'est clair ? Naam. Wafik abarak. Donc ensuite, le cheikh il dit, comme les deux imams ont dit, ou bien comme l'imam Abu Hatim il dit, que le signe des anadika, c'est-à-dire des hypocrites, des hérétiques, par lesquels on peut les reconnaître, c'est qu'ils, quand ils parlent des gens du hadith, des gens de la sunna, ils disent qu'ils sont des hachawiyas. Ils disent des salafis, des gens de la sunna, des gens du hadith, des gens du athar. Ils disent que ce sont des hachawiyas. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ils veulent blâmer les gens de la sunna. Et ils veulent dire, ils veulent dénigrer et rabaisser les gens de la sunna en voulant dire que ce ne sont pas des grands, ce ne sont pas des gens importants. Ce sont des hachawiyas. Ce sont comme des mauvaises herbes au milieu de la récolte. Comme s'ils essaient de dénigrer. Et c'est comme aujourd'hui, par exemple, quand tu vois, par exemple, des hezbiyins ou des gens de bid'a, quand ils parlent des salafis, ils disent, ah, ça, c'est pas des salafis, c'est des talafis. Ou bien, ils utilisent tout ça de sobriquets, des surnoms moqueurs, pour essayer de dénigrer les gens qui suivent la salafie et qui s'accrochent à la sunna. Et ils utilisent toutes sortes de termes pour essayer de se moquer, pour essayer de dénigrer. Des fois c'est de l'ironie, des fois c'est des sarcasmes, des fois c'est des blagues, des moqueries. Tout ça c'est des sobriquets ou autre. Tout ça dans le but de quoi? De dénigrer les gens de la sunna, les gens du hadith et les ulama de Ahl sunna et les gens qui suivent la voie des salafs. Donc le cheikh il dit, ils disent hachawiya ou ils disent hachwun. Ça c'est un exemple. C'est les hérétiques, les hypocrites, les gens de bid'a, tous ceux qui contredisent la voie de la sunna. Ils dénigrent. Et hachawiya ou bien hachawun, ça c'est un exemple de terme qu'ils utilisaient à l'époque. Les Mu'tazila, ils utilisaient ce terme-là, les Jahmiya et d'autres, ils utilisaient ça pour dénigrer les ulama de Ahl sunna et les gens de la sunna. Mais à notre époque, ils utilisent aussi ce terme-là ou d'autres. L'important de comprendre, c'est que c'est des termes méprisants, moqueurs, pour dénigrer et rabaisser, pour diminuer l'importance et le respect envers les gens de la sunna. Donc le cheikh dit, si tu entends quelqu'un, une personne qui dit à propos des gens de la sunna que ce soit des hachawiyas ou des hachawun, sache que c'est un hérétique, un munafiq, un hypocrite, un égaré, parce que cette parole qu'il dit en disant hachawun ou hachawiyas, eh bien c'est une des paroles les plus méprisantes, et C'est comme s'il veut s'élever au-dessus des gens de la sunna et rabaisser les gens qui portent cette religion et qui la défendent. Donc ça, tu remarques, tous les gens, regarde, les ikhwan, les hérétiques, en arabe on dit zanadiqa, moi je traduis par hérésie, hérétique. Parce que les hérétiques, c'est des gens, en fait, c'est des gens qui cachent leur coffre. C'est des gens qui contredisent la religion dans les fondements et dans la base. Zanadiqa, les ulama, ils ont dit, comme l'imam Malik, il dit que les zanadiqa aujourd'hui sont les zanadiqa sont les munafiqoun à l'époque du prophète, c'est-à-dire ceux qui étaient à son époque appelés zanadiqa sont comparables aux munafiqoun de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zindiq, les zanadiqa, les ulama ils définissent les zanadiqa en disant que c'est des gens, ils disent des paroles de kufr, ok, puis quand on les attrape ils se repentent à chaque fois. Ils disent des paroles de kufr, ils se moquent de la sunna, ils se moquent de l'argent. Après quand tu les attrapes, ils disent ah non je me repens, Allah je reviens, et puis ils le refont encore, et quand tu les attrapes ils se repentent, ils disent non ça va, je reviens. Mais c'est des gens comme ça, ils montent toujours le kufr. Donc c'est des hypocrites. Donc les hérétiques c'est ça en fait, les gens qui contredisent la religion dans les fondements et qui prétendent malgré tout faire partie de la religion. Donc c'est ça, ça c'est un de leurs signes. Ils dénigrent les gens de la sunna. Ils dénigrent pas les gens de bid'ah, ils dénigrent les gens de la sunna en particulier. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il n'y a personne qui défendent la religion de l'islam en réalité, dans sa réalité, excepté les gens de la sunna. Hein? Tu vois, par exemple, parmi les ikhwan aujourd'hui, parmi les soufiïnes, parmi les rafidah, tu vois des gens, par exemple, ils font l'éloge d'autres mubtadi'ah, ils font l'éloge de certains parmi les hizbiyines, de certains parmi les... Des gens qui disent des paroles d'égarement, ils font leur éloge, et ça ne les dérange pas. Mais quand c'est des gens de bid'ah, quand c'est des gens de la sunna, ils sont tous en train de dire sur eux des paroles dénigrantes, et parfois même c'est des paroles pour même des mensonges qu'ils inventent sur eux. Hein, c'est comme par exemple, j'écoutais il n'y a pas longtemps, il y a un homme qui parlait de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et il disait à propos de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, c'est la même voie que la voie de Daesh, et que c'est ceux qui suivent Daesh, ils suivent Mohammed ibn Abdul Wahhab. Hein? Alors c'est du blasphème, et c'est de la calomnie, et c'est des fausses accusations et des mensonges. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab n'a rien à voir avec Daesh. Daesh découle des frères musulmans, des Ikhwan en Égypte, qui ont été fondés par Hassan al-Banna et par leur penseur Sayyid Qutb, le Takfiri, hein, le Khariji. Donc eux ils sont sur cette voie là, la voie de l'Qaïda et de l'Hijra et le Takfir, et tous ces groupes de Khawarij, hein, Jama'atul Jihad et ainsi de suite. Tous ces groupes là ils descendent des frères musulmans qui eux suivent la voie des Khawarij, hein. Mais le Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il découle de la voie des ulama de Ahl Sunnah. Hein? Depuis l'époque, quand tu vois sa aqida, il l'a expliqué même dans sa aqida, il explique sa position face aux Khawarij. Hein? Il explique sa position face aux dirigeants, qu'il faut les écouter, les obéir, même s'ils sont injustes, qu'il ne faut pas se rebeller contre eux, et ainsi de suite. Ça fait partie de sa aqida. Et il mentionne sa position envers les Mubtadi'a et envers les Khawarij. Hein? Donc, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il faut retourner à ses ouvrages, à ses livres. Hein? Tu lis le Kitab al-Tawhid, Kashf al-Shubuhat, Al-Usul al-Thalatha, Al-Qawa'id al-Arba'a, tous les livres du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Usul al-Sitta, tu vois que il réfute les gens de bid'ah, les gens d'égarement comme les Khawarij et autres. Donc, est-ce que tu trouves dans ses écrits quelque chose qui confirme ou qui justifie la position des Khawarij et des gens de Daesh et de cette catégorie-là, jamais de la vie. Au contraire. Hein? Mais yani, ces gens-là sont des menteurs et ils essaient justement de se venger des gens de la Sunna en les accusant injustement, surtout devant des gens qui ne sont pas des spécialistes. Hein? Donc ils essaient de les tromper pour faire croire à ces gens-là, yani, parmi les kuffars et les non-musulmans, que yani, c'est les gens de la Sunna qui sont coupables de ces idées-là. Et ça, c'est pas nouveau. Les gens de Bid'a, ils ont fait ça depuis longtemps. Et même, tu vois, l'imam Ibn al-Qayyim, Al-Jawziyah, dans son livre Al-Nuniyah, il réfute justement des accusations de ceux qui prétendaient que les gens de la Sunna c'était des Khawarij. Et ça, ça fait longtemps que ces accusations-là sont présentes. D'accord. Donc, ça c'est un exemple. Après, le cheikh, il dit يريدون إبطال الآثار, c'est-à-dire ils veulent annuler la sunna, ils veulent rejeter la sunna, c'est ça leur but. Et le cheikh il explique, cheikh Rabi', il dit هذا قصدهم لما يقولون حشوية وغثاء كل هذا تنقص واستخفاف وليس الهدف أشخاصهم, الهدف إسقاط السنة, إسقاط أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن هؤلاء الذين حملوا السنة يعني هم الذين يبلغونها وهم الذين يعني يعملون بها, قصدهم إسقاط السنة, سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا كفر وزندقة. شيخ ربيع il explique bien le point ici. Il dit le but de ces gens-là, quand ils critiquent les ulama et les gens de la sunna, les gens de l'athar, les gens de l'athar ou l'athar, athar c'est au pluriel, athar c'est le pluriel de athar, donc quand ils les traitent de hashawiya ou bien de routha, ils les traitent de comme des herbes, mauvaises herbes ou des trucs comme ça, ou de l'écume sur l'eau ou des trucs comme ça, ils les appellent par des termes dénigrants, rabaissant. Le but c'est pas de rabaisser leur personnalité, leur qui ils sont. Le but c'est de rabaisser la sunna elle-même et de faire tomber la sunna et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils savent que ce sont eux qui ont porté la sunna et que ce sont eux qui l'ont transmise et que ce sont eux qui yani, l'ont appliquée. Et donc en faisant tomber les porteurs de la sunna, ils font tomber la sunna elle aussi, la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et ça il n'y a pas de doute que c'est de la mécréance et de l'hérésie. À Montréal, énormément d'égarements, d'hérésie, d'ignorance. Mais ce n'est pas spécifique à Montréal, hein. Il y en a partout dans le monde. À notre époque, les gens de la sunna sont minoritaires. Et ça a toujours été comme ça, en fait. Même à l'époque des salafs, hein, les ulama, ils disaient, les gens de la sunna sont une minorité. C'est pour ça. Et les gens de Bid'a, eux, ils pensent que le fait que les gens de la sunna sont une minorité et qu'eux sont majoritaires, ils pensent que ça, c'est une preuve qu'eux, ils sont sur le haqq. Parce qu'on est plus nombreux. Ils disent, on est plus nombreux, donc c'est nous qui sommes sur la vérité. Alors que non, ça n'a rien à voir. Les gens qui sont sur la vérité sont en général la minorité. Et Allah, il le dit dans plein de versets dans le Coran. Allah, il dit dans le Coran, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il y a un verset qui dit wa in tuti' akthara man fil ard yudillunaka 'an sabilillah yudilluka 'an sabilillah, c'est-à-dire si tu obéis la plupart des hommes sur terre, ils t'écartent du droit chemin, et la plupart des hommes ne savent pas, la plupart des hommes ne réfléchissent pas, et il dit wa qalilun min 'ibadiy ash-shakur, et peu d'entre mes serviteurs sont reconnaissants. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Donc la question du nombre, c'est pas une référence pour savoir qui est sur la vérité et qui est sur le faux. La référence, c'est qu'est-ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna et qu'est-ce qui est en accord avec la voie des salaf al-salih. C'est ça le haqq. Même si la majorité des gens d'aujourd'hui sont en contradiction avec eux, ça, ça veut rien dire. Et c'est pour ça que quand tu entends des égarés, des ignorants et des koufars qui disent à propos d'un individu qui défend la vérité, qui défend la Sunna, ils disent « Ah, mais lui, il ne représente pas la majorité des musulmans, donc qu'est-ce qu'il dit, c'est pas à prendre en considération. » Ou bien « Ah, lui, il représente pas la communauté musulmane. » Ou « Lui, il n'a pas le droit de parler au nom des musulmans. » Yani, subhanallah. Qui est-ce qui représente les musulmans? C'est les gens qui défendent le Coran et la Sunna et qui parlent au nom du Coran et de la Sunna et qui suit la compréhension et la méthodologie des salafs. Mais si c'est quelqu'un qui parle au nom de la communauté des musulmans et qu'il oppose le Coran et la Sunna, il oppose la voie des salafs, il ne représente pas les musulmans, il ne représente pas le Sunna. Il représente la bid'a et l'égarement. Donc ça, c'est un point important à comprendre. Puis ce n'est pas une question de nombre. Si la majorité des musulmans à Montréal ou ailleurs se mettent d'accord pour supporter qu'est-ce qui est faux ou critiquer qu'est-ce qui est vrai, ben ce ne sera pas une représentation valable de l'islam et des musulmans. Ce sera une falsification parmi les falsifications. C'est pas une question donc de nombre. Même si on va dire 90% des musulmans sur Terre prenaient la décision de, par exemple, permettre l'alcool. Est-ce que, par exemple, on va dire, bon, ça y est, l'alcool maintenant elle va devenir permise parce que 90% des musulmans sur Terre sont d'accord pour que ce soit permis. Donc, on va le permettre. Et s'il y a 10% qui continuent à dire non, ça c'est haram, nous on l'interdit parce que c'est écrit dans le Coran. Donc ça veut dire eux, parce qu'ils sont minoritaires, on va pas les prendre en considération. On va dire ah, mais vous représentez pas les musulmans parce que vous êtes seulement 10%. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans l'islam. Peut-être chez les kuffars, dans la démocratie et leur système de kuffre, ça marche par rapport au nombre. Mais dans l'islam, ça ne marche pas par rapport au nombre seulement. C'est-à-dire que c'est la référence en premier qui est prise en considération, ce qui est dans la révélation d'Allah et dans la sunna, la révélation de la sunna, c'est-à-dire la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les hadiths authentiques et l'exemple des sahaba. C'est ça qui est pris en considération et le nombre par la suite, si quelqu'un contredit ça, ça n'a aucune valeur. Peu importe le nombre. Après, le cheikh il dit وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة وذلك لأنهم يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى ولا يعترفون بأسمائه وصفاته إن لله 99 اسما إن من أحصاها دخل الجنة إحصاؤها علما وحفظا وفهما وعملا بمقتضاها ومنها الله الرحمن الرحيم البارئ المصور هذه كلها ينكرونها يعطلونها ينكرون ألفاظها ومعانيها قبحهم الله وينكرون علو الله واستواءه ومجيئه وصفاته الذاتية وصفاته الفعلية ويسمون أهل السنة الذين يؤمنون بها ويثبتونها لله على الوجه اللائق به عز وجل من غير تشبيه ولا تمثيل يصفونهم بأنهم مشبهة أهل السنة يثبتون لله الاستواء هم يقولون هذا تشبيه لأنهم يقولون عن الله أنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار فإذا أثبتوا استواء الله قالوا عنهم مشبهة لأن الاستواء معناه الشيء فوق الشيء وهذا لا يليق إلا بالأجسام والله ليس بجسم لعنة الله عليهم يعني الله ليس بجسم نحن لا نجسم الله جل وعلا ذاته لا تشبه الذوات وصفاته لا تشبه الصفات فأين التجسيم إنما يفترون الكذب على أهل السنة بل يفترون على الله الكذب يعني يثبت أهل السنة لله النزول والمجيء والضحك. Donc on va traduire ça puis après on va continuer l'explication de la suite. Cheikh Rabi' hafizahullah, il dit que et le signe par lequel on distingue les Jahmiyyah, c'est qu'ils appellent les gens de la Sunna des Mushabbiha, hein? C'est-à-dire ils disent qu'ils font ressembler Allah à sa création, que ce sont des, comme ils disent dans leurs termes, des anthropomorphistes. Allah musta'an. Et donc ils disent ah eux ils, c'est-à-dire en parlant des gens de la Sunna, ils disent ah eux ils donnent à Allah un corps, ou bien ils font ressembler Allah à sa création, ou sont des anthropomorphistes. Ça, c'est des accusations qu'on entend de la part des Jahmiyyah envers les gens de la Sunna. Donc, le Cheikh, il explique, il dit que les Jahmiyyah, c'est des gens qui nient les attributs d'Allah. Et ils ne reconnaissent pas Allah par ses noms et par ses attributs. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que Allah a 99 noms. Celui qui les énumère, hein, qui les mentionne, et qui applique leur signification, eh bien, il entrera au paradis. Et le Cheikh Rabi, il explique que les énumérer, c'est pas juste les énumérer, mais c'est de les connaître, de les mémoriser, de les comprendre, de les appliquer et d'agir selon leur implication. Et parmi ces noms-là, il y a Allah, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Ar-Rahim, le très miséricordieux, Al-Bari, le créateur, Al-Musawwir, celui qui donne à toute chose sa forme. Donc tout ça, c'est des noms et eux, ils les nient, hein, ils les ni complètement, ils les vident de leur sens. Et ils refusent, hein, leur terme, hein, ils refusent ces attributs-là ainsi que leur signification, qu'Allah les maudisse. Et ils nient également qu'Allah est au-dessus de sa création et qu'il s'est élevé au-dessus de son trône. Ils nient qu'Allah subhanahu wa ta'ala viendra au jour de la résurrection. Et ils nient les attributs de l'être d'Allah ainsi que ses attributs d'action. Et ils appellent les gens de la Sunna qui affirment les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala de la manière qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala et à sa perfection. Ils les appellent, hein, ceux qui affirment les attributs à Allah de la manière qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne font pas de ressemblance entre Allah et sa création et qui ne font pas de comparaison entre le créateur et la créature. Hein, ils appellent, les Jahmiyyah les appellent des mushabbiha, c'est-à-dire des gens qui donnent à Allah un corps, qui font ressembler Allah à la création ou des choses de ce genre. Tandis que les gens de la Sunna ne font que affirmer, hein, à Allah ce que Allah s'est affirmé lui-même et ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a affirmé. Et donc on affirme que Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Eux ils disent ça c'est du tashbih. Hein? Ils disent que c'est du tashbih. Pourquoi? Parce que ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, il n'est pas en avant, il n'est pas en arrière de sa création. Hein? Ils disent il n'est pas à l'intérieur de sa création, il n'est pas non plus à l'extérieur, il n'est pas avec, il n'est pas rattaché à sa création, il n'est pas séparé de sa création, il n'est pas à l'intérieur du monde, il n'est pas à l'extérieur. Donc, en réalité, c'est comme s'ils disent il est nulle part. Hein? Il nie. Ça revient à la fin à dire qu'il n'existe pas. Et la réalité, c'est justement comme Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, yani rahimahullah, comme il l'explique dans ses clarifications et ses commentaires de la Aqida Al-Wasitiya et de la Aqida Al-Hamawiya, il explique, il dit qu'en réalité, le Dieu auquel, hein, ou la divinité auquel les Jahmiyyah croient, elle existe nulle part ailleurs que dans leur esprit et dans leur imagination. Hein? C'est quelque chose qu'ils ont inventé dans leur imagination et c'est juste dans leur tête qu'il existe. Allah musta'an. Parce que quelque chose ne peut pas exister s'il n'a pas d'attribut. Et eux, ils affirment une existence sans attribut. Alors, en réalité, ils croient en le néant. Et la façon dont ils décrivent Allah, c'est la façon dont on décrit le néant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui n'existe pas. Hein? Et Ça, c'est aussi les Jahmiyyah. Ils disent qu'il est partout, ou bien ils disent qu'il est nulle part. C'est les deux extrêmes que tu retrouves chez les Jahmiyyah. Et tu retrouves ces gens-là aujourd'hui. Qu'est-ce qui est le plus étonnant et surprenant, subhanallah, c'est que tu vois que ceux qui affirment ces deux positions-là se retrouvent dans les mêmes groupes. Parce que les Asha'ira, aujourd'hui, c'est eux qui supportent la position des Jahmiyyah. Et qu'est-ce qui est bizarre, c'est que la majorité des Asha'ira sont des soufis. La majorité des Asha'ira sont des soufis. Et les soufis, les Asha'ira disent, Allah n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, il n'est pas en avant, il n'est pas derrière, il n'est pas à l'intérieur de la création, il n'est pas séparé de sa création, et ainsi de suite. Donc quand tu regardes ça, tu dis, ils disent que Allah, donc, il n'existe pas. Puis après, quand tu regardes la parole des soufis, ils prétendent ou ils disent Allah est partout et tout, et Allah est tout. Hein? Ça, c'est l'aqida de Ibn Arabi, de Wahdatul Wujud, la croyance que tout est Allah et que Allah est tout. Ou bien qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, tout est Allah. Ou bien l'aqida de ceux qui croient que Allah subhanahu wa ta'ala se mélange avec certaines de ses créatures. Ceux qu'on appelle al-hululiyya. Donc, c'est pour dire que, en même temps, parmi eux, il y en a qui affirment ce que d'autres nient. Et ils sont ensemble. Malgré tout, ils sont ensemble, mais ils affirment, certains affirment une chose et l'autre nie l'autre chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que les Asha'ira nient, les Soufis l'affirment. Et qu'est-ce que les Donc c'est pour te dire que comment ces gens-là ils se contredisent. Et c'est ça qui est bizarre. Pourquoi ils critiquent les gens de la Sunna d'affirmer ce que Allah a affirmé de la manière qui lui convient, puis par la suite ils ne disent rien à propos des soufis qui nient ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit et qui affirment ce que Allah subhanahu wa ta'ala nie et qui oppose la vérité de ce qui est dans les textes. C'est absurde de leur part. Et en même temps, comme Cheikh Mohamed Aman Al-Jami l'a expliqué également dans ses cours, il dit que ces gens-là, les Asha'ira aujourd'hui, ils traitent les gens de la Sunna d'être des Mushabbiha. Et pourtant, les Mu'tazila les traitent eux aussi d'être des Mushabbiha. Et la même chose pour les Mu'tazila qui traitent les Asha'ira et les gens d'Ahlus Sunna d'être des Mushabbiha, les Jahmiyyah les traitent aussi d'être Mushabbiha, les accusent d'être des Mushabbiha. Pourquoi? Ils disent que parce qu'ils affirment les noms. Parce que les Jahmiyyah disent, vous, les Mu'tazila, vous affirmez les noms d'Allah, donc vous êtes des Mushabbiha. Et les Mu'tazila, ils disent aux Asha'ira, Vous êtes des mushabbiha. Pourquoi? Et des mujassima. Pourquoi? Parce que vous affirmez des attributs à Allah. Même si vous niez les autres, mais vous affirmez sept attributs, et donc vous êtes des mushabbiha. Et les Asha'ira disent aux gens de la Sunna, vous êtes des mushabbiha parce que vous affirmez tous les noms d'Allah et tous les attributs d'Allah. Et en réalité, nous, on leur répond par la même chose qu'eux ont répondu aux Mu'tazila et aux Jahmiyyah. Ils leur disent, quand les Mu'tazila ont dit aux Asha'ira, vous, pourquoi vous affirmez que Allah, il voit et il entend, qu'il a l'ouïe et l'a vu? Ça, c'est des attributs. Et c'est des choses que ces attributs-là se retrouvent chez les êtres humains et chez les animaux, la vue et l'ouïe. Et les Asha'ira, ils répondent en disant, l'ouïe des créatures, c'est pas la même que l'ouïe du créateur. Et la même chose pour la vue. La vue du créateur, c'est pas la même que la vue des créatures. Et donc, nous, on répond, dans ce cas-là, on dit aux Asha'ira et à tous les autres, la même chose, qu'est-ce que vous avez répondu au Mu'tazila à propos de l'ouïe et de la vue? On dit la même chose pour tous les attributs d'Allah. À propos du fait que Allah est au-dessus de sa création, et ainsi de suite. Donc le cheikh il dit, nous on affirme que Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Hein, eux ils disent que ceux qui disent ça sont des mushabbiha, sont des gens qui font ressembler Allah à sa création ou des anthropomorphistes comme ils disent. Ils disent pourquoi? Parce que ils disent parce que l'istiwa c'est une chose par-dessus une autre. Et ils disent que ça, ça ne convient pas excepté au corps, hein, à des corps. Et Allah n'est pas un corps, c'est ce qu'ils disent. Que Allah les maudisse. Le cheikh dit que la'natullah alayhim, que la malédiction d'Allah soit sur eux. Et il dit, Allah n'est pas un corps. Il dit, de toute façon, il dit, nous, on ne fait pas partie de ceux qui attribuent, hein, ou qui disent, qui font le tajsim, nanu jassim. Et le terme corps même, les salafs, ils ont dit, le terme corps, on l'affirme pas et on le nie pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas affirmé dans le Coran, il n'est pas nié. Il n'est pas affirmé dans la sunna, il n'est pas nié non plus. Hein? Mais Allah, son être, ne ressemble pas aux êtres des créatures. Et ses attributs ne ressemblent pas aux attributs des créatures. Donc où est-ce qu'il est le tajsim? Il n'y a pas de tajsim, il n'y a pas d'attribut un corps à Allah de la façon comment eux ils prétendent que nous on le fait. On affirme ce que Allah a affirmé, on nie ce que Allah a nié. Hein? Et qu'est-ce qui n'est pas mentionné par les textes? On s'abstient de parler là-dessus, on ne l'affirme pas, on ne le nie pas. Mais on nie qu'est-ce qui est faux et on affirme qu'est-ce qui est vrai. Et le cheikh il dit, ils ne font qu'inventer un mensonge contre les gens de la sunna et en même temps ils attribuent un mensonge et ils inventent un mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils affirment, hein, donc les gens de la sunna affirment que Allah subhanahu wa ta'ala il descend au dernier des cieux, au dernier tiers de la nuit et qu'il vient au jour de la résurrection et qu'il rit, hein, et il a beaucoup d'autres attributs également. Et donc on affirme tous ces attributs-là, on les affirme. Donc le cheikh il dit, يقول الجهمية هذه أعراض لا تقوم إلا بالأجسام والأجسام مخلوقة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فيعطلون الله من صفات كماله ونعوت جلاله ويطعنون في أهل السنة الذين يؤمنون بها وقد جاءت وامتلأ بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان في ذلك شيء من المحظور لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في ذلك شيء من التشبيه لنبه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم والرسل قبله والصحابة الكرام كلهم يسلمون بأسماء وصفات الله ويؤمنون بها على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى ولكن هؤلاء عندهم زندقة وضلال فتجرأوا على صفات كمال الله ونعوت جلاله فعطلوها وأضافوا في ذلك الطعن في من يثبتها وأنهم مشبهة ويكفرون أهل السنة لأنهم يشبهون يشبهون الله قاتلهم الله. Donc le cheikh il dit, nous on croit que Allah, cheikh il dit, les gens de la sunna, on croit que Allah descend, hein, que ça fait partie de ses attributs, comme il le mentionne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le mentionne dans la sunna authentique, et qu'il vient au jour de la résurrection, c'est mentionné dans le Coran. وجاء ربك والملك صفا صفا. Et الضحك, le prophète صلى الله عليه وسلم il a mentionné que Allah subhanahu wa ta'ala il rit dans plusieurs hadiths authentiques. Les Jahmiyyah disent ça c'est des incidences et elles ne peuvent être présentes que dans des corps et les corps sont créés, hein? Donc ça c'est leur train de logique qu'ils utilisent. Hein? Les incidences ne peuvent être exister par elles-mêmes, elles ont besoin d'un corps pour exister. Et les corps, eh bien, c'est quelque chose qui est créé. Donc, ça veut dire que on ne peut pas l'attribuer à Allah, sinon ça voudrait dire que Allah est un corps et qu'il serait créé lui aussi. Donc c'est une analogie totalement stupide, hein, qui n'a aucun rapport, parce que ça veut dire qu'il compare le créateur aux créatures. Et tu ne peux pas comparer le créateur aux créatures, hein, parce que le créateur il est unique, il est différent de tout, il n'y a rien qui lui ressemble. Donc de comparer qu'est-ce qui est parfait à qu'est-ce qui est imparfait, de comparer le créateur à une créature, ça c'est ridicule. Ou bien c'est comme parfois aussi quand ils font des analogies entre des choses de ce monde et des choses de l'au-delà, et ils disent non, ça se peut pas, parce que dans l'au-delà, qu'est-ce que Allah dit à propos de l'au-delà, ça se peut pas, parce que dans ce monde ça existe pas, ou ça se peut pas. C'est comme si quelqu'un disait par exemple, ça se peut pas que dans l'enfer on brûle éternellement, parce que dans ce monde, si tu brûles quelqu'un, son corps il va être en cendre, et puis après il meurt, et puis c'est fini. Donc l'enfer c'est pas possible, hein? Ou bien quelqu'un qui va dire par exemple, c'est pas possible que dans le paradis il y ait une rivière de lait, une rivière de miel, parce que sinon ça voudrait dire que y aura plein de poussière qui va tomber dans le miel, puis ou bien il y aura plein de le lait il va devenir comme plus bon, parce qu'il y aura mélangé avec, tu sais, quand le lait il devient pas bon, il sent mauvais, il commence à cailler, donc ça veut dire le lait il va, toutes sortes de, si tu essaies d'appliquer cette logique de cette vie d'ici-bas, tu essaies d'appliquer ça à qu'est-ce qu'il y a dans l'au-delà, et qu'est-ce qui est dans le paradis, et qu'est-ce qui est dans l'enfer, et qu'est-ce qui est dans le rêve, hein? C'est ridicule, c'est la preuve en réalité que ces gens-là, ils n'ont pas de logique, ils n'ont pas de raison, parce qu'ils comparent des choses qui ne se comparent pas, hein? Donc c'est la même chose qu'ils font à propos d'Allah et à propos des attributs. C'est exactement la même chose, de comparer des choses qui ne sont pas comparables, et d'essayer de comprendre Allah, et il nie les attributs d'Allah parce que il s'imagine Allah comme sa création dans leur esprit. Puis à cause de ça, ils tombent dans le ta'til, yani la négation des attributs. Donc ça c'est leur égarement, Allah musta'an. Donc il nie les attributs de perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils attaquent et ils insultent les gens de la sunna qui croient en ces attributs-là. Alors que dans le Coran et dans la Sunna, c'est rempli de preuves de l'affirmation de ces noms et de ces attributs. Et s'il y avait un mal quelconque à affirmer les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien le premier à mentionner ça et à nous mettre en garde contre ça, ça aurait été le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il aurait été le premier à nous dire, il ne faut pas affirmer les attributs, il ne faut pas attribuer les noms d'Allah, il ne faut pas attribuer à Allah qu'est-ce qu'il s'est attribué lui-même. Mais il n'a jamais fait ça, ni les sahaba. Donc c'est la preuve que la voix des Jahmiyyah et de ceux qui les ont suivis, les Mu'tazila, les Asha'ira, les Maturidiyah, ils ne suivent pas l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba. Ils suivent l'exemple de Platon et d'Aristote et des autres philosophes grecs égarés et ignorants, hein, et non pas la voix des prophètes et des messagers d'Allah ni la voix des sahaba. J'ai pas entendu, qu'est-ce que t'as dit? Al-Asha'ira wal-Maturidiyya. Al-Maturidiyya, c'est deux sectes d'égarements qui sont diffusés, yani propagés un peu partout, hein, dans le monde. On les retrouve aujourd'hui, ces deux sectes-là, et comme on a expliqué, ils découlent des Jahmiyyah en réalité. Donc le cheikh il dit ensuite, le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et tous les messagers avant lui et les nobles compagnons, ils ont tous accepté Allah avec ses noms et ses attributs, et ils ont tous cru en les noms et en les attributs d'Allah de la manière qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ces gens-là, c'est-à-dire les Jahmiya, les gens de Bid'a, les Zanadiqa, c'est des gens qui ont de l'hérésie en eux et de l'égarement, et donc ils ont l'affront de parler au sujet des attributs d'Allah et de les nier, hein, et de vouloir nier ses qualificatifs et ses attributs. Et donc ils les nient. Hein? Et ils ajoutent à ces insultes et à ces attaques contre les attributs d'Allah, hein? Ils ajoutent en plus de ça, yani le fait d'attaquer également les gens de la Sunna, ceux qui affirment ces textes-là et ces, hein, ces mentions-là dans le Coran et dans la Sunna, ceux qui les affirment, ils les traitent de mushabbiha et ils les déclarent même kuffar. Et ils déclarent kuffar qui? Les gens de la Sunna. Hein? Parce qu'ils prétendent que c'est eux qui font ressembler Allah à sa création. A'ouzou billah. Hein? Parce que c'est clair, les salafs, ils ont mentionné que celui qui fait ressembler Allah à sa création, c'est un kafir. Hein? Ça c'est clair. Mais c'est quoi de faire ressembler Allah à sa création? Les salafs, ils ont donné l'exemple. C'est celui qui dit ma main est comme la main d'Allah, ou la main d'Allah est comme ma main à moi, ou comme telle ou telle personne. Celui qui fait ça, ça c'est du tashbih, ça c'est hein, kufr. Tashbih, c'est de faire ressembler Allah à sa création. Ils font du tashbih, donc ce sont des mushabbiha. Mushabbiha. Tajsim, ça vient de jism, ça veut dire le corps. Tashbih, ça vient de shabah, ça veut dire la ressemblance. Hein? Et aussi on dit tamthil, hein? Ça vient de al-mithl, c'est-à-dire le fait d'être comparable, d'être comparé ou d'être semblable. Tout ça c'est nié. Hein? Il n'y a pas de ressemblance. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Tajsim, ça vient du mot jism qui veut dire le corps. Et eux, ils utilisent le terme corps de façon générale, pas le terme corps seulement comme par exemple dans le terme corps dans son sens physique, comme c'est pas le terme corps dans son sens biologique, mais corps au sens physique, tout un corps dans le sens de la matière, ok? Comme par exemple, ça c'est un corps. Hein, la boîte la boîte c'est un corps, tout ce qui est physiquement séparé de quelque chose d'autre, c'est un corps. Bon, ben c'est ça. Eux, ils utilisent le langage des philosophes, et ces gens-là sont apparus justement à l'époque justement où les livres des Grecs ont été traduits en arabe. Et eux, ils sont rentrés dans la philosophie avec ces livres-là, les philosophes grecs et tout, quand ça a été traduit, ils ont ramené ça, puis ils ont commencé à faire la fitna avec les musulmans en essayant justement d'interpréter le Coran et la Sunna et la Aqida à la lumière des paroles de ces philosophes. Ils ont ramené beaucoup d'égarements à cause de ça. Le cheikh, il dit « وَعَلَامَةُ الْقَدَرِيَّةِ تَسْمِيَتُهُمْ أَهْلَ الْأَثَرْ مُجْبِرَةِ » Le cheikh il dit Al-Qadariya nash'atuhum al-oula kanu yunkiruna ilm Allah al-sabiq wa kullu taqdiratihi subhanahu wa ta'ala fallahu indahum la ya'lamu bi shay'in min al-ashya' min ma'asi bani Adam wa a'malihim illa ba'da wuqu'iha al-amru unuf indahum ليس هناك علم سابق والله سبحانه وتعالى علم الأشياء كلها في الأزل ثم سجل كل شيء في اللوح المحفوظ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فالله علم هذه المعلومات وسجلها في اللوح المحفوظ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين والله بما تعملون عليم والله سبحانه وتعالى عليم بكل الأشياء الموجودة في هذا الكون كبيرها وصغيرها دقيقها وجليلها حتى المثاقيل الذر حتى مثاقيل الذر حتى ما دون مثاقيل الذر يعلمه سبحانه وتعالى علمه في الأزل وسجله في اللوح المحفوظ ويعلمه عند وقوعه ولا يحصل شيء في الكون إلا بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى فهم يسمون أهل السنة مجبرة لأن أهل السنة يقولون إن الله خلق العبد وخلق علمه الله خالق للصانع والمصنوع خالق كل شيء سبحانه وتعالى ولكن مع ذلك مع كون الأفعال مخلوقة لله أعطى الله للعبد تميزا تمييزا وقدرة واختيارا هذه تجعله مسؤولا أمام الله عما يتعاطاه من الأعمال وما يقوم به من الأعمال إن كان خيرا فكافئه أو فكافأه الله على هذه الأعمال التي أتى بها راغبا فيها مختارا لها وإن كان عاصيا عاقبه الله على فعله لأنه أتى هذه المعاصي راضيا لها مختارا لها ليس مجبورا أبدا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. Donc on va traduire jusqu'ici. Le cheikh dit le signe des qadariyah, c'est-à-dire le signe par lequel on distingue ou plutôt on reconnaît les qadariyah, c'est que quand il parle des gens de la sunna, il les appelle des mujbira. Al qadariyah, c'est ceux qui nient la prédestination. Et à la base, au début, lorsqu'ils sont apparus, ils niaient la science infinie d'Allah, la science de tout ce qui précède et de tout ce que Allah a prédestiné dans l'avenir. Donc ils rejetaient ça. Parce que pour eux, Allah ne savait pas les choses comme les péchés des fils d'Adam et leurs actions. Ils les connaissaient qu'après qu'elles se produisent. Et donc pour eux, il n'y a rien de prédestiné pour eux. Tout arrive comme ça par hasard. Donc il n'y a pas de science ou de connaissance précédente de la part d'Allah. A'udhu billah. Donc, le cheikh dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît tout, éternellement, que ce soit dans le passé ou dans l'avenir. Puis, il l'a enregistré, il l'a écrit dans la table préservée, comme il mentionne dans Sourate Yassin, le verset 12, « Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin » Donc, Allah, il connaît toutes choses, et toutes les choses qui ont été prédestinés ont été enregistrés dans la table préservée. Et il mentionne dans le verset 59 dans Surat Al-An'am ce qui signifie et il a les clés de l'invisible, les clés de l'inconnaissable. Nul ne les connaît excepté lui. Il sait ce qu'il y a dans la mer et sur terre et il n'y a pas une feuille d'arbre. Pas une feuille d'arbre, excepté qu'il la connaît, ni une graine dans les ténèbres de la terre, ni rien d'humide ou de sec, excepté que cela est écrit dans un livre, évident et clair. Donc, ça c'est le verset 59 dans Sourate Al-An'am et le verset 28 dans Surat An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et Allah sait ce que vous faites. Allah est de ce que vous faites omniscient. Il a la science de toutes choses. Le verset 59 dans Surat Al-An'am et le verset 28 dans Surat An-Nur, le dernier verset qu'on a dit. Après, le cheikh il explique, il dit que tout ce qui existe dans l'univers, que ce soit petit ou grand, même si c'est plus petit qu'un atome, même si c'est un atome ou plus petit qu'un atome, Allah il le connaît et il l'a connu éternellement et il l'a enregistré dans la table préservée et il le sait lorsqu'il se produit, lorsque cette chose arrive ou existe ou se produit. Et il n'y a rien qui se produit dans l'univers excepté par la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par son vouloir. Donc, les Qadariyah, ils appellent les gens de la Sunna Mujbira. Pourquoi? Parce que les gens de la Sunna disent que Allah a créé le serviteur et il a créé ses actions. Allah est le créateur de celui qui fait l'action et de l'action qu'il fait. Donc il est le créateur de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Mais malgré cela, malgré le fait que les actions qu'on fait sont créées par Allah, Allah a donné au serviteur le discernement, la distinction, la capacité et le choix. Et ça, ça fait que l'homme est en réalité responsable de ses œuvres et de ses actions devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, s'il fait du bien, Allah va le récompenser pour ses bonnes œuvres, hein, parce qu'il les a fait en voulant les faire et par son propre choix. Et s'il fait un péché, Allah va le châtier pour ce qu'il a fait comme péché, parce qu'il a fait cette désobéissance en étant satisfait et en ayant le choix de faire ce péché. Et il n'est pas forcé, hein, il n'a jamais été forcé à le faire, hein. Donc c'est pour ça que on ne peut pas dire que les gens de la sunna sont des mujbira ou yani jabriya, hein, parce qu'on affirme que l'homme, il a son choix, hein, et il décide de qu'est-ce qu'il fait. Allah lui a donné la volonté et la liberté de choisir, le choix. Le cheikh, il dit donc, il dit ensuite, فَالْعَمَلْ الَّذِي يَأْتِي بِمَحْدِ اِخْتِيَارِهِ بِمَحْدِ اِخْتِيَارِهِ. Donc je pense qu'on va s'arrêter pour ici, ok? On va arrêter ici, puis on continuera inshallah au prochain cours, parce que c'est le temps de Salatul Maghrib. Inch'Allah, on s'arrête donc maintenant. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Mais tu sais quoi? Je pense pas que je vais pouvoir faire la fin du livre en deux cours, parce que c'est parce que je vais t'expliquer. Le cheikh, là, si je faisais juste traduire tel quel, qu'est-ce qu'il dit, sans détailler, ça risquerait d'être un petit peu pas clair. Ça risquerait de pas être clair assez. C'est pour ça que je suis obligé d'expliquer. Et je pense que ça vaut la peine donc de s'attarder un peu plus sur ces points-là pour que au moins les choses soient plus claires. Et donc ça se peut qu'on ait encore à faire deux cours là-dessus, deux ou trois cours sur le livre pour finir. Non, non, non, c'est ça. Et c'est pas la première fois qu'on parle de ces sujets-là dans le livre. Parce que dans le livre, depuis le début, on a parlé de ça au moins trois fois par mot, oui. Ouais, ben c'est ça. Oui, non, c'est ça. Parce qu'ils sont tous mentionnés ensemble dans le point. Mais sinon, on les a mentionnés séparément déjà. Très bien.